Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 14. Notre phrase clé aujourd'hui est... ここにゴミを捨ててもいいですか? Peut-on jeter les déchets ici? Le personnage principal de notre sketch s'appelle Anna. Originaire de Thaïlande, elle est étudiante internationale. Aujourd'hui, Anna met de l'ordre dans le dortoir après une fête. Elle s'adresse à la mère du dortoir afin de s'assurer de la façon dont elle peut se débarrasser des ordures. Écoutons le sketch de la leçon 14. La phrase clé du jour est... ここにゴミを捨ててもいいですか? Peut-on jeter les déchets ici? お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか? そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい。わかりました。 Je vais maintenant vous expliquer le sketch. Anna a demandé à la mère du dortoir. お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか? Mère, peut-on jeter les déchets ici? お母さん signifie mère. Pour les étudiants étrangers au Japon qui vivent dans un dortoir, la mère du dortoir fait office de mère pendant qu'ils sont ici. Anna l'appelle donc mère. Père se dit お父さん. Je vois. Koko signifie ici. Ni est une particule. Dans ce cas, elle indique l'endroit où les étudiants devraient jeter les déchets. Gomi signifie déchets. O est une particule qui indique l'objet d'une action. Stete est la forme en te du verbe stemas, jeter. Nous avons appris comment créer la forme en te dans les leçons 8 et 9. Si vous utilisez la forme en T des verbes, suivi de もいいです, vous donnez la permission. いいです, est composé de いい, un adjectif qui signifie c'est bon, tout va bien, et de です, une façon polie de terminer une phrase. Donc, 捨ててもいいです, signifie vous pouvez jeter. Si vous ajoutez ka à la fin de la phrase et la prononcez en haussant l'intonation, vous en faites une interrogation. ここにゴミを捨ててもいいですか? Peut-on jeter les déchets ici? Est notre phrase clé du jour. Alors, si je comprends bien, la forme en T de yomimas, lire, est yande. Donc, puis-je lire? Se dit yandemo ii desu ka? N'est-ce pas? C'est juste. Vous pouvez utiliser cette expression qui consiste à demander la permission avec plusieurs verbes. La mère du dortoir répond de la façon suivante. そうね。 Vous employez « そうね » lorsque vous réfléchissez à ce que vous allez répondre. Les femmes l'utilisent souvent. « 缶は別の袋に入れてください。」 Mets les canettes dans un autre sac. « 缶 » signifie « canette ».« は » est la particule indiquant un sujet ou la marque du sujet. « 別 » signifie « un autre ».« の » est une particule qui lie les substantifs. « 袋 » signifie « sac ». Donc, « 別の袋 » signifie « un autre sac ».« Ni » est une particule qui indique le point final d'une action. « 入れて » est la forme en « て » du verbe « 入れます » mettre quelque chose dans quelque chose. Si vous employez la forme en « て » de ce verbe en combinaison avec « ください » s'il vous plaît, vous faites une demande. Donc, « 入れてください » signifie « veuillez mettre dans ». La mère du dortoir poursuit. Shigen desu kara. C'est parce que ce sont des déchets recyclables. Shigen signifie déchets recyclables. Les canettes deviennent des ressources si on les recycle. Des est la manière polie de conclure une phrase. Enfin, kara dans ce cas exprime parce que, une raison. Certaines choses, telles que les magazines, les canettes ou les bouteilles en plastique, peuvent être recyclées et devenir à nouveau des ressources. On les appelle shigen, déchets recyclables. Vous devez également séparer les ordures en ordures combustibles, moeru gomi, et ordures non combustibles, moenai gomi, Les jours et lieux de collecte des ordures sont désignés par les administrations locales. Les résidents ne sont donc pas autorisés à sortir leurs déchets durant les autres journées. Pour bien des étrangers qui vivent au Japon, le tri des déchets est un véritable casse-tête. Le système est tellement compliqué. Anna répond. Hai, wakarimashita. Oui, j'ai compris. Hai signifie oui. Wakarimashita est la conjugaison au passé du verbe wakarimasu. Comprendre. On emploie souvent hai, wakarimashita lorsqu'on nous explique quelque chose, qu'on nous donne des conseils ou qu'on nous réprimande. Écoutons de nouveau la leçon 14. Notre phrase clé aujourd'hui est ここにゴミを捨ててもいいですか? Peut-on jeter les déchets ici? お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか? そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris que l'on peut demander la permission en ajoutant « mo i desu ka » à la forme en T des verbes. Veuillez nous en dire un peu plus sur la façon de demander la permission. Interrogeons notre professeur. Si la forme en T d'un verbe est « mo i desu » sont utilisés en combinaison, cela signifie que la permission est accordée. Plus précisément, que l'action exprimée par le verbe est autorisée. Par exemple, si l'on souhaite dire à quelqu'un « vous pouvez manger » ou « vous avez la permission de manger », on utilise la forme en T du verbe « tabemasu » manger, qui est « tabete » et on dit « mo ii desu ». On dit donc « tabete mo ii desu ». Si c'est vous qui demandez la permission, vous ajoutez « ka » à la fin d'une telle phrase et vous la prononcez en haussant l'intonation. Par exemple, si vous voulez savoir si vous pouvez manger des biscuits qui sont devant vous, vous ajoutez « ka » après « tabete mo ii desu » et dites « tabete mo ii desu ka ?»« Puis-je manger ces biscuits ?» Si l'autre personne vous donne la permission, il ou elle vous dira « dozo ». Je vous en prie. Même si vous ne connaissez pas la forme en « t » du verbe « taberu », vous pouvez montrer du doigt la nourriture que vous souhaitez manger et dire « Ii desu ka ?»« Puis-je ?» Les gens comprendront alors ce que vous voulez dire. C'est pratique. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. On dirait que des gens font un feu de camp. En japonais, on exprime le son de quelque chose qui brûle de la façon suivante. Pachi pachi. Pachi pachi. On décrit aussi les applaudissements en utilisant pachi pachi, n'est-ce pas? Oui. Voici quelques mots descriptifs qui expriment le son que produisent les flammes. Mera mera. Mera mera? Dans ce cas, que peut-on dire des flammes? Qu'elles crépitent avec intensité. Mera mera. Exprime également que vous êtes farouchement jaloux de quelqu'un ou que vous avez l'esprit combatif. Être méla méla de jalousie, c'est effrayant, non? Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons », aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « Pachi pachi » et « Méla méla ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Il existe des règles précises pour le tri des déchets. On doit nettoyer les canettes et les bouteilles en plastique avant de les jeter aux ordures. Je ferai de mon mieux pour que la mère du dortoir me félicite. Avez-vous apprécié la leçon 14? La phrase clé aujourd'hui était ここにゴミを捨ててもいいですか? Peut-on jeter les déchets ici? Dans notre prochaine leçon, Anna prend le train pour sortir avec des amis. Nous comptons sur vous pour cette prochaine leçon.